إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence aujourd'hui les cours de tafsir et on va faire le tafsir des sourd al-mufassal. Qu'est-ce qu'on appelle dans le Coran as-suwar al-mufassal, c'est-à-dire les sourds qui sont courtes et qui ont des versets courts, et c'est de sourate al-hujurat jusqu'à sourate al-hadid. Donc on va commencer avec le tafsir de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, un des grands ulama de notre siècle. Et inshallah, on va essayer de profiter pendant le Ramadan, puisque alhamdulillah, c'est le mois du Coran, le mois dans lequel le Coran a été révélé. Donc c'est important de se concentrer sur le Coran. Et c'est pas seulement la lecture et la récitation du Coran, mais le plus important, c'est la compréhension du Coran ainsi que l'application de ce qu'on a compris. Donc beaucoup de gens parmi les musulmans, ils récitent le Coran du début à la fin, ils le font mémoriser à leurs enfants, mais ils ne le comprennent pas. Et la raison pourquoi ils ne le comprennent pas, c'est parce qu'ils ne font pas d'efforts pour assister aux cours, les cours de aqida, les cours de fiqh. Parce que dans les cours de aqida, dans les cours de fiqh et dans les autres cours de sciences de l'islam, eh bien, tout ça c'est basé sur l'interprétation et l'explication et la compréhension du Coran. Puisque le Coran nous explique les règles à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de la foi, à propos de la aqida, du tawhid, à propos du fiqh, comment adorer Allah. Mais souvent, ces règles sont mentionnées dans le Coran à différents endroits et pas nécessairement en ordre. Donc les ulama de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé les versets qui parlaient d'un même sujet ensemble, ils les ont mis en ordre, ils les ont expliqués par rapport à qu'est-ce qui a été dit à propos de ces versets-là dans la sunna et dans les paroles des salafs, et ils les ont mis en ordre et clarifiés pour qu'on puisse comprendre l'islam correctement. Mais ceux qui se limitent uniquement à réciter le Coran sans revenir aux explications des ulama et aux clarifications des salafs, eh bien, c'est certain que leur compréhension de l'islam, elle est incomplète et elle n'est pas solide. Et ces gens-là peuvent souvent tomber dans des choubouhats facilement parce qu'ils ne connaissent pas les fondements de la religion

voyez bien, yani vérifiez là, yani vérifiez la nouvelle, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là, en effet, une grâce d'Allah et un bienfait, et Allah est omniscient et sage. Non. Donc, Inch'Allah, on va commencer avec le tafsir maintenant de Cheikh صالح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الشيخ الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدئ من سورة قاف عند بعض العلماء أو من سورة الحجرات عند آخرين وسنتكلم على سورة الحجرات لما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأها الله بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Donc le cheikh il commence en disant, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur le prophète, notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille, sur ses compagnons, et ceux qui l'ont suivi de la meilleure manière, jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, nous allons commencer le tafsir des sourds, des pluriels de sourds, c'est sourds, des sourds qui sont al-mufassal. Et elle débute par Surat Qaf pour certains ulama, tandis que elle débute par Al-Hujurat pour d'autres. Et on va donc commencer avec Surat Al-Hujurat parce que c'est une sourate qui contient plusieurs règles, des bonnes manières, des bonnes manières qui sont bénéfiques et qui sont importantes, et que Allah subhanahu wa ta'ala a débuté par le premier verset dans lequel il dit: ô vous qui avez cru, hein, il dit ce qui signifie, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, et Allah est audient et omniscient. Vous allez voir maintenant juste l'explication du premier verset, et donnez beaucoup d'attention, et concentrez-vous bien sur l'explication que le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin donne du premier verset. Et ça va vous donner tout de suite la compréhension de voir comment les ulama comprennent le Coran et comment nous, on peut comprendre le Coran lorsqu'on le lit, et de voir la différence entre la compréhension des ulama et notre compréhension à nous. Et vous voyez que, en réalité, si on lit le Coran sans lire l'explication, c'est comme si on avait lu qu'une petite partie. On n'a pas vraiment compris la profondeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit يعني اعلم ان الله تعالى اذا ابتدا الخطاب بقوله يا ايها الذين امنوا فانه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه فرعيه سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير وإذا صدر الله الخطاب بيا أيها الذين آمنوا دل ذلك على أن الالتزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته نقص في الإيمان. Donc le cheikh il dit pour commencer, sache que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala débute son discours par le fait de dire « Oh, vous qui avez cru », eh bien, c'est comme Abdullah ibn Mas'ud l'a dit. C'est soit une information, soit un bien qui va être ordonné, Hein, c'est soit quelque chose de bien qui va être ordonné, ou soit c'est quelque chose de mal qui va être interdit. Alors prête ton oreille et écoute hein, à qu'est-ce qui va être dit par la suite, parce qu'il y a du bien. Et il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala débute son discours dans un verset par « Ô vous qui avez cru », eh bien ça indique que ce qui va nous être mentionné dans le discours en question fait partie des choses qui impliquent la foi et qui sont des implications de la foi. Donc ça veut dire que ce qui suit, ça fait partie des choses qui font partie de la foi. Donc celui qui veut faire partie des croyants réellement, eh bien il doit essayer de faire le plus possible des efforts pour appliquer ce qui va suivre. Hein? Et également, c'est une indication que le fait de contredire ce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire après cette parole-là fait partie de ce qui est une diminution de la foi. C'est-à-dire que s'il dit « Oh, vous qui avez cru » et ensuite il donne quelque chose, il donne un ordre ou il donne une interdiction et que tu l'appliques, ça implique que ta foi, hein, elle va être augmentée. Et si tu le contredis, eh bien ça implique que ta foi, elle va diminuer si tu ne l'appliques pas. يقول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قيل معنى يعني قيل معنى لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله والمراد لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو فعل وقيل المعنى لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله وكلاهما يصبان في مصب واحد والمعنى لا تسبق الله ورسوله بقول ولا فعل وقد وقع لذلك أمثلة. Donc on va lire, on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite ce qui signifie, ô vous qui avez cru, hein? Ne devancez pas Allah et son messager. Ne devancez pas Allah et son messager. Qu'est-ce que ça veut dire, ne devancez pas Allah subhanahu wa ta'ala et son messager? Hein? Ça veut dire, ne précédez pas Allah et son messager par une parole ou par une action. Ne prenez pas les devants et ne devancez pas Allah subhanahu wa ta'ala par une parole ou par une action. Et certains ont dit également que ça signifie de ne rien faire avant de savoir ce que Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont mentionné à propos de quelque chose. De ne pas prendre les devants dans quelque chose avant de savoir ce que Allah veut qu'on fasse et ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on dise et ou yani ce qu'il nous a ordonné et ce qu'il nous a interdit à propos de quelque chose de façon générale. Et donc peu importe les différents sens qu'on a mentionné, ça va tout dans la même direction. Dans le sens de ne pas devancer Allah et de ne pas devancer le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans nos paroles et dans nos actions. Il y a des exemples de ça. Et le cheikh, il va donner des exemples. Il dit, فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam, لَا تُقَدِّمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ لِأَنَّ الَّذِي يعني يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il donne comme premier exemple de ne pas devancer Allah et son messager par nos paroles et par nos actions. Il donne l'exemple du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ne devancez pas le mois du Ramadan par le fait de jeûner un jour ou deux à l'avance. Hein? Ne précédez pas ou ne devancez pas le Ramadan en jeûnant un jour ou deux à l'avance. » Pourquoi? Parce que de précéder le Ramadan par un jour ou deux, eh bien, ça implique qu'on a devancé et on est passé au devant d'Allah et de son messager. Et donc, on a commencé le jeûne avant son temps. Et ça, c'est pas permis. Et c'est pour ça que Ammar ibn Yasir, radiallahu anhuma, il dit, celui qui jeûne un jour, hein, le jour du doute, celui qui jeûne le jour du doute, il a désobéi à Abul Qasim. Et Abul Qasim, c'est la kunya du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya, c'est Abul Qasim. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها. Donc parmi les choses aussi qui rentrent dans le fait de prendre les devants ou de dépasser et de devancer Allah et son messager dans les ordres et dans les interdictions, il y a le fait de faire des innovations dans la religion et dans toutes les différentes catégories d'innovations, peu importe. Donc toutes les bid'a font partie de faire, hein, de prendre les devants et de dépasser Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il dit wa min at-taqaddum bayna yaday Allah wa rasulihi al-bid'a bi jami'i anwa'iha fa innaha taqaddum bayna yaday Allah wa rasulihi bal hiya ashadd at-taqaddum li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور وأخبر بأن كل بدعة ضلالة وصدق صلى الله عليه وسلم فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شرع كأنه يقول إن الشريعة لم تكمل وأنه كملها كما أتى به من الب... وأنه كملها بما أتى به من البدعة وهذا معارض تماما لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع أهذا الذي فعلته كمال في الدين إن قال نعم فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وإن قال ليس كمالا في الدين قلنا إذن هو نقص لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. Donc on va expliquer cette partie. Le cheikh il dit parmi les choses donc qui font partie du fait de devancer Allah et son messager, il y a les innovations, toutes les formes de bid'a que les gens peuvent faire. Et ça fait partie de prendre les devants et de devancer Allah et son messager, et même que ça fait partie des formes les plus graves et les plus dangereuses et les pires, hein, du devancement d'Allah et de son messager. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit accrochez-vous à ma sunnah et cramponnez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes successeurs bien guidés après moi, hein, les khulafa ar-rashidin bien guidés. Il a dit accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des khulafa ar-rashidin après moi. Et prenez garde aux choses innovées et inventées dans la religion. Hein? Et après il a dit car toute chose inventée dans la religion est une bid'a et toute bid'a est un égarement. Hein? Toute bid'a est un égarement. Donc il y a pas de bid'a qui sont bonnes, contrairement à ce que prétendent certains égarés parmi les gens de bid'a, parmi les soufis, parmi les autres sectes. Ils disent oui, il y a des bid'a, mais il y a des bonnes bid'a aussi. Non, c'est pas vrai. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit toutes les innovations sont des égarements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith Man ahdatha fi amrina hadha. Hein? Man ahdatha fi amrina hadha. Donc il a dit celui qui a inventé dans notre religion, dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion. Donc les bid'a qui sont blâmables, c'est les bid'a dans la religion. Donc si quelqu'un innove quelque chose dans la religion, alors c'est automatiquement c'est une dalala. Hein? Contrairement à des innovations dans les choses de la dunya, ça c'est des choses, hein, permises ou qui peuvent parfois être permises ou qui peuvent parfois être interdites si ce sont des choses qui amènent du mal ou qui sont utilisées pour faire le haram, tandis que si c'est des choses qui sont utilisées pour faire le bien, dans les affaires de la dunya, ça peut être des bonnes innovations. Mais quand on parle de qu'est-ce qui a rapport avec la charia d'Allah et l'adoration et la croyance et les pratiques religieuses, il n'y a pas de bonnes innovations là-dedans. Toutes les innovations que quelqu'un peut inventer ou ramener dans l'islam, c'est de l'égarement. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de façon générale, kullu bid'atin dalala. C'est-à-dire toutes les innovations sont de l'égarement. Et il a certes dit vrai, sallallahu alayhi wa sallam, parce que la réalité de l'innovateur, celui qui est mubtada, lorsqu'il invente une bid'a dans la religion, eh bien c'est comme s'il était en train de dire à Allah et à son messager, yani vous avez manqué quelque chose, vous avez oublié des choses dans la religion, et moi, le mubtada, je viens pour rajouter et compléter et parfaire l'islam, parce que vous l'avez, toi Allah et ton messager, vous n'avez pas complété comme il faut la religion de l'islam. Moi, l'innovateur, le mubtada, je viens pour rajouter ce qui manque dans l'islam. Et ça, il n'y a pas de doute que celui qui pense ça, c'est un égaré. C'est un égaré, à la limite, ça c'est une parole de kufr s'il pense ça. Et s'il croit réellement en ça, que la religion elle est incomplète et que c'est lui qui vient pour la compléter et la parfaire. Parce que les mubtadi'a, hein, ils disent pas ça en général. Ils vont pas venir pour dire aux gens, la religion elle n'est pas complète, donc il faut la compléter, et c'est nous qui venons la compléter. Ils le disent pas avec leur bouche, et ils expriment pas ça avec des mots. Mais dans leur action, et dans ce qu'ils font comme bid'a, eh bien c'est ça ce que ça implique en réalité. Ça implique qu'ils croient que la religion est imparfaite, incomplète, et qu'ils sont venus, eux, la compléter. Et ça c'est en opposition totale avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran à ce sujet-là. Puisqu'il dit dans Surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. C'est-à-dire aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion. Et donc on dit à cette personne qui a innové dans la religion d'Allah, est-ce que cette chose que vous avez inventée dans l'islam, est-ce que c'est quelque chose qui vient compléter et parfaire l'islam et compléter et parfaire la religion? S'il dit oui, alors dans ce cas-là, tu lui dis, dans ce cas-là, cela ça veut dire que tu es en train de démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Tu dis que Allah a menti quand il a dit qu'il a complété sa religion. Mais s'il dit non, c'est pas une perfection, c'est pas quelque chose qui complète la religion, alors tu lui dis dans ce cas-là c'est un défaut. C'est quelque chose que vous ramenez qui vient diminuer, hein, la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la vérité excepté l'égarement? Donc après la vérité, il n'y a rien d'autre que الضلال, l'égarement. Donc le cheikh il dit, فَالْبِدْعَةُ كَمَا أَنَّهَا ضَلَالَةٌ فِي نَفْسِهَا فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَتَضَمَّنُ الطَّعْنُ فِي دِينِ اللَّهِ وَأَنَّهُ نَاقِسُ وَأَنَّ هَذَا الْمُبْتَدِعَ كَمَّلَهُ بِمَا ادَّعَى أَنَّهُ مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالْمُبْتَدِعُونَ كُلُّهُمْ تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَمْ يُبَالُوا بِهَذَا النَّهْيِ حَتَّى وَإِنْ حَسُنَ قَصْدُهُمْ فإن فعلهم ضلالة وقد يثاب على حسن قصده ولكن يؤذر على سوء فعله ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. Donc on va expliquer cette partie. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, il dit, la bid'a, de la même manière que c'est un égarement en elle-même, eh bien elle est dans sa réalité une attaque et une insulte contre la religion d'Allah, puisque c'est comme une prétention que la religion elle est défaillante, incomplète, imparfaite, et qu'elle elle attendait ou elle avait besoin d'être complétée et parfaite par cette personne qui prétend faire quelque chose de la religion alors que ça n'a pas été révélé par Allah. Donc il prétend faire quelque chose qui fait partie de la charia d'Allah, que ça fait partie de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah. Donc le cheikh il dit, donc tous les gens de bid'ah, sans exception, ils ont tous devancé Allah et son messager. Hein? Et ils n'ont pas donné aucune importance à l'interdiction des innovations. Hein? Ils n'ont donné aucune importance à cette interdiction et à l'interdiction de prendre les devants et de passer devant Allah et son messager. Même si ils prétendent avoir une bonne intention, même si ils prétendent qu'ils ont une bonne intention, leur action c'est de l'égarement. Parce que l'intention c'est pas suffisant. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, innama al-a'malu bin-niyyat. Les œuvres n'auront de valeur que selon leur intention. D'accord? Donc l'intention, oui, c'est important. Hein? C'est fondamental dans les œuvres qu'on fait, dans les paroles, dans tout ce qu'on fait dans la religion. L'intention vient avant toute chose. Sauf que l'intention à elle seule n'est pas suffisante pour que l'action soit valable et pour que l'action soit acceptée. Il faut que l'intention soit bonne et que l'action soit en accord avec la sunna. Et non pas que ce soit quelque chose qui est fait et qui est en contradiction avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit une innovation, une bid'ah. Parce que si c'est une bid'ah, eh bien dans ce cas-là, c'est quelque chose qui sera rejeté. Hein? C'est quelque chose qui sera rejeté. Et donc, le cheikh, il dit, même s'ils ont une bonne intention, leurs actions sont des actions d'égarement. Et il se peut qu'ils soient, c'est pas nécessairement que ce sera le cas. C'est pas, le cheikh il dit, c'est possible. Hein? Il dit, c'est possible qu'ils soient récompensés pour leur bonne intention. C'est possible. Mais c'est certain qu'ils seront punis pour le mal qu'ils ont fait en faisant cette innovation et cette bid'ah. Et il dit, et c'est pourquoi il est obligatoire à tout innovateur qui sait que ce qu'il fait est une bid'ah, de se repentir de cette bid'ah et de revenir à Allah Azza wa Jal et de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la sunna des khulafa al-rashidin al-mahdiyin après lui. Les khulafa al-rashidin, les successeurs bien guidés. Hein? De suivre leur exemple et l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier, puis leur exemple par la suite. D'accord? Donc ça c'est très très important. Mais qu'est-ce que le cheikh a dit par rapport à l'innovateur qu'il doit se repentir? Ça c'est l'obligation. Tous ceux qui font partie d'une secte, tous ceux qui font partie d'un groupe religieux qui contredit à sa base les fondements et les principes d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah et des salafiyoun et des salaf al-salih et des principes et des fondements de l'aqida des salaf, ils doivent quitter la bid'a qu'ils font et cesser d'appartenir à ce groupe et se repentir de cela et suivre la sunna sans s'accrocher ou s'attacher à aucune secte ou aucun des groupes d'égarement et de bid'a. Naam. Donc ça c'est fondamental. Ils doivent cesser les bid'a qu'ils ont, que ce soit des bid'a dans la croyance, que ce soit des bid'a dans les adorations, que ce soit des bid'a dans la pratique religieuse. Hein? Toutes ces innovations, ils doivent les abandonner. Mais comme les salafs ont mentionné, que le mubtadi', c'est très rare qu'il se repent. Yani, la tawbah, elle a été voilée de l'innovateur. Donc c'est très rare que le mubtadi', il se repent à Allah pour sa bid'ah. Et la raison de cela, c'est parce que l'innovateur, il pense que qu'est-ce qu'il fait est aimé d'Allah. Et donc, lorsque quelqu'un pense que ce qu'il fait est aimé d'Allah, et que quand il le fait, il se rapproche à Allah, il va jamais vouloir s'en repentir. Il ne va jamais vouloir s'en repentir parce qu'il pense que ce qu'il fait est aimé d'Allah, est bien. Hein? Il pense que c'est un bien. Il pense que Allah aime ce qu'il fait. Il pense que Allah est satisfait de ce qu'il fait. Donc s'il pense cela, comment va-t-il se repentir? Et c'est pour ça que parmi les salafs, certains ont dit, et je crois que c'était Ayyub As-Sakhtiani qui a dit ça parmi les salafs, il a dit que la bid'a est plus aimée de Iblis, le diable, que le péché. C'est-à-dire que le diable préfère que quelqu'un commette des bid'a que de le voir commettre des péchés. Et la raison de ça, c'est pourquoi? C'est parce que le péché, il a dit, لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة لا يتاب منها. Hein? C'est-à-dire que, il a dit, le péché, en général, les gens s'en repentent. Les gens s'en repentent. Puisque quand quelqu'un fait un péché, quelque chose qui est haram, les gens savent que ça c'est haram, ils le savent déjà en partant. Et donc, même s'ils font le péché en question, mais ils ressentent en eux-mêmes le remords de l'avoir fait, et la culpabilité de l'avoir fait. Et ils vont chercher à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala après l'avoir fait, et à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que l'innovateur, hein, le soufi, le shi'i, le khariji, hein, le takfiri, le ikhwani, hein, le tabliri, hein, regardez Jamaat Tablir, vous pensez qu'ils vont se repentir de faire qu'est-ce qu'ils font? Regardez les soufis, hein, qui dansent et qui sautent dans leur mosquée et qui se prosternent devant leur cheikh, hein, au lieu de se prosterner uniquement devant Allah, hein, et qui font plein de bid'a et de shirk. Vous pensez qu'ils vont se repentir de ça alors qu'ils sont convaincus que ce qu'ils font est une bonne action et que Allah est satisfait d'eux? Ils ne peuvent pas se repentir tant qu'ils réalisent pas que, hein, tant qu'ils n'ont pas réalisé que ce qu'ils font est une déviation et une passion qu'ils suivent. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens de bid'a, on les appelle les gens de la passion. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveuglés par leur passion, par leur bid'a. Ils sont aveuglés par leur bid'a au point, yani, de penser que ça fait partie de la religion, et au point de, yani, penser que tous ceux qui sont en contradiction avec eux sont des égarés. Hein? Ils s'imaginent que ce sont seulement eux qui sont sur la droiture et que tous les autres parmi les musulmans sont dans l'égarement parce qu'ils ne font pas la même chose qu'eux. Et le pire, c'est qu'ils n'ont aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les paroles des salafs, pour supporter et justifier leurs croyances ou leurs pratiques religieuses qu'ils prétendent être islamiques. Donc c'est ça le danger de la bid'a. Hein? C'est ça, ça fait partie ça, des exemples du danger de la bid'a. Et donc le cheikh, il dit, والبدعة أنواع كثيرة بدع في العقيدة بدع في الأقوال بدع في الأفعال. Donc la bid'a, elle est de différentes catégories. Il y a des innovations, des bid'a dans la aqida, dans la croyance. Comme par exemple, on va donner des exemples, le cheikh il va mentionner des exemples de ça, des bid'a dans la croyance chez les soufis, chez les shi'a rafida, chez les khawarij, hein, chez les murji'a, hein, chez également les mu'tazila, les jahmiya, les asha'ira, les maturidiya, hein, toutes ces différentes sectes, il y a des bid'a, hein, dans la croyance chez eux, la bid'a des diobandiya, la bid'a des turq soufiya, tout ça c'est des innovations dans la croyance. Et dans les paroles également, dans les paroles qu'ils disent, il y a beaucoup d'innovations dans les paroles et des bid'as dans les actions, des bid'as dans les pratiques, les actions. Donc le cheikh il donne des exemples de chaque catégorie. Il dit: wa amma al-bid'a fi al-aqida فإنها تدور على شيئين، إما تمثيل وإما تعطيل. فالتمثيل أن يثبت لله الصفات ولكن على وجه المماثلة، فهذا فإن هذا بدعة، لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فيكون بدعة. فمثلا يثبت أن لله وجها ويجعله مماثلا لأوجه المخلوقين، أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين وهلم جرة. فهؤلاء مبتدعة بلا شك، وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى هل تعلم له سميا. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples des innovations dans la croyance, eh bien, elles tournent autour de deux choses. التمثيل والتعطيل. Et ça, c'est juste un exemple des innovations dans la croyance. Alhamdulillah. Non, donc il dit, la bid'a dans l'aqida, c'est comme l'exemple de التمثيل والتعطيل. التمثيل, ça veut dire que quelqu'un, il fait le tamthil quand? Quand est-ce qu'on dit de quelqu'un qu'il fait at-tamthil? C'est quand il affirme les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, les attributs que Allah s'est attribués à lui-même. Il les affirme, mais il les affirme en faisant une ressemblance entre les créatures et le créateur. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle at-tamthil. Hein? Et ça, il n'y a pas de doute que c'est bid'a. C'est une bid'a. Et même que c'est kufr, ça rentre dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça ne fait pas partie de l'exemple et de la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni de la voie des khulafa al-rashidin, d'affirmer les attributs d'Allah au point de dire qu'il y a une ressemblance entre le créateur et la créature. Donc celui qui affirme une ressemblance, hein, ou une similitude entre le créateur et la créature dans les attributs et dans les noms d'Allah, alors ça, il n'y a pas de doute que ça, c'est une bid'a, et que c'est quelque chose qui est shirk et kufr. Donc par exemple, le fait que quelqu'un affirme à Allah subhanahu wa ta'ala le visage, il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Tout ce qui est sur terre va périr et ne restera que le visage. ويبقى وجه ربك, le visage de ton Seigneur, ذو الجلال والإكرام, plein de majestuosité et de noblesse. Donc ça, c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a un visage, mais on dit il a un visage qui lui convient, qui convient à sa majestuosité, qui convient à sa grandeur et à sa perfection, qui est un visage qui lui convient et qui n'est pas comme celui des créatures. Toutefois, les mumathila, ou ceux qui croient qu'il y a une ressemblance entre Allah et sa création, ce qu'on appelle aussi al-mushabbiha, ceux qui font le tashbih, font une ressemblance entre le créateur et la créature, eux ils disent qu'ils affirment à Allah un visage qui ressemble à celui des créatures. Donc celui qui affirme ça de cette façon-là et qui dit que le visage d'Allah est comme le visage des créatures ou pareil à celui des créatures, eh bien, il a fait le tashbih et le tamthil. De même que celui qui dit, hein, il affirme que Allah a une main. Il n'y a pas de doute que Allah subhanahu wa ta'ala a une main, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé lui-même dans le Coran. Comme il a affirmé qu'il a un visage, il a affirmé qu'il a une main. Il a dit, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Et les juifs ont dit, la main d'Allah est fermée d'avarice. Ils accusent Allah d'avarice. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. Certes, ces deux mains, c'est-à-dire les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont grandes ouvertes et il dépense comme il veut de ses richesses. Et donc c'est pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Et donc on affirme qu'il a deux mains parce que Allah l'a affirmé. De même que Allah subhanahu wa ta'ala dit à Iblis, comme il le mentionne dans le Coran, il dit ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Donc il demande à Iblis, au diable, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam avec les anges. Les anges se sont tous prosternés excepté Iblis. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, alors qu'il connaît déjà la raison, mais il demande pour établir la preuve contre lui. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains, ou par mes deux mains? Donc c'est la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Et donc, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'ah, ils affirment les attributs d'Allah tels qu'elles sont mentionnées par Allah et par le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois, dans combien de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par celui qui tient son âme en sa main. Il dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي. Par celui qui tient mon âme en sa main. Donc il affirme à Allah une main. Et à chaque fois qu'il mentionne cet exemple et qu'il jure par Allah, celui qui tient son âme en sa main, en aucune occasion a-t-il dit, mais il ne faut pas croire que c'est une main, il faut croire que c'est le pouvoir. Il ne faut pas croire que c'est une main, il faut croire que c'est la gloire ou le pouvoir, comme les gens de Bid'ah, comme les Asha'ira et les Mu'tazila. Ils disent, la main d'Allah c'est pas une main, c'est le pouvoir. Ou la main d'Allah c'est pas une main, c'est la grâce. Donc ça c'est de l'égarement, parce qu'ils déforment le sens des versets et le sens des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, on affirme, comme on a dit, on affirme la main à Allah. Sauf que, on dit que Allah a une main qui est différente de celle des créatures. Elle n'est pas comparable à celle de ses créatures. Tandis que les mushabbiha, les mushabbiha et les mumassila, ceux qui affirment les attributs d'Allah, mais ils disent Allah a une main, mais c'est comme la main des créatures. Ou Allah a une main, et c'est comme la main des êtres humains ou des animaux. Celui-là, il a commis le tashbih, le tamthil, et donc, il a commis une bid'ah. Parce qu'il a fait ressembler le créateur à sa créature. Et ça, c'est shirk et kufr. Il n'y a pas de doute. Et donc ça c'est la même chose pour toutes les autres attributs d'Allah. Le fait qu'il est au-dessus de son trône, le fait qu'il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a les attributs qu'il s'est mentionnés dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna, il faut les affirmer tels quels. Mais on dit, il ne faut pas essayer de les imaginer. Il ne faut pas faire ressembler Allah à sa création. Il ne faut pas demander le comment et chercher à les décrire par autre que ce qui est mentionné dans la révélation. Si quelqu'un nie les attributs d'Allah et déforme leur sens, alors il a contredit la voie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Et la preuve de ça, c'est dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَلِقَوْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a rien qui lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'ouïe, il a la vue parmi ses attributs, mais il n'y a rien qui lui ressemble. Donc sa vue est différente de celle de ses créatures, et son ouïe est différente de celle de ses créatures, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est parfait, tandis que les créatures sont imparfaites. Allah a une main, elle est différente de la main de ses créatures, et il a un visage, et son visage est différent de celui de ses créatures, et il a deux yeux, et ses yeux sont différents de celui de ses créatures, et ainsi de suite. Et il dit également, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il dit également, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, est-ce que tu lui connais un égal? Donc il n'y a rien d'égal à lui, il n'y a rien qui lui ressemble. أما التعطيل فهو أن ينكر ما وصف الله تعالى به نفسه. فإن كان إنكار جحد وتكذيب فهو كفر, وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله, وإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب. فمثلا إذا قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان, فالمراد باليدين النعمة, نعمة الدين ونعمة الدنيا, أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة, يعني فهذا تحريف, لأن النعمة ليست واحدة ولا ألف ولا ملايين, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, فليس النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع, فيكون هذا تحريفا وبدعة, لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة الهداة من بعدهم. Donc le cheikh il donne un exemple aussi à propos de يعني التعطيل, l'exemple de ceux qui nient les attributs d'Allah. Hein? Donc il dit, parmi les gens, il y en a qui font le ta'til. Et ils nient ce qu'Allah a mentionné à propos de lui-même comme attribut. Et donc, il dit le cheikh que si la personne, elle renie de façon à renier et à démentir ce qu'Allah a révélé, dans ce cas-là, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Mais par contre, si la personne renie dans le sens qu'elle déforme l'interprétation, eh bien, si c'est quelque chose qui est impliqué par le mot, qui est mal interprété, c'est-à-dire l'interprétation, elle est incorrecte, mais c'est impliqué par le mot ou par le terme utilisé, dans ce cas-là, c'est pas du kufr. Mais on va dire que c'est une déformation du sens. Tandis que si ce n'est pas impliqué par le mot, et que quelqu'un ramène une définition ou une interprétation de lui-même qui n'a aucun rapport avec le terme ou le mot lui-même, hein, il invente une signification totalement déformée. Eh bien, dans ce cas-là, le cheikh il dit dans ce cas-là, eh bien, ça rentre dans la négation et le démenti des attributs et des versets d'Allah. Hein? C'est comme par exemple, si quelqu'un vous dit par exemple, il neige dehors. Dehors, il neige. Et la personne te dit que la neige, c'est pas la neige, mais c'est plutôt du sable. Yani, tu vas dire, mais la neige, c'est pas du sable. Et peu importe, tu vas regarder dans les dictionnaires, tu vas jamais trouver une définition qui t'explique que la neige, c'est du sable. Donc, ça, c'est une déformation. Mais il y en a des gens qui font la même chose, mais avec la parole d'Allah. Ils disent, la main, ça veut pas dire, la main d'Allah, c'est pas la main, ça veut dire la force. Ou le pouvoir. Ou la grâce. Hein? Ou bien quand Allah il s'élève au-dessus de son trône, il dit, ça ne veut pas dire s'élever, ça veut dire conquérir le trône, ou des choses de ce genre. Donc ça rentre dans le fait de démentir et de nier les attributs d'Allah. Et le cheikh il donne l'exemple dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, mais ses deux mains sont grandes ouvertes, hein? Sont grandes ouvertes, il donne de ses richesses comme il veut. Les gens de Bid'a, comme les Asha'ira, les Maturidiyya, les Mu'tazila, ils disent, ça signifie quoi? Ça signifie les deux grâces. C'est pas les deux mains comme des mains, c'est des grâces en fait. Et ils disent, c'est la grâce de la vie d'ici-bas et la grâce de la religion. Ou la grâce de la vie d'ici-bas et la grâce de l'au-delà. Le cheikh il dit, ça c'est une déformation de la signification du verset. Puisque des mains, on sait ce que ça signifie. Et dans aucun dictionnaire arabe vas-tu trouver la définition d'une main comme étant une grâce. Hein? Donc la grâce est différente de la main. Et la grâce dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il n'y a pas une seule grâce, ou deux, ou mille, ou un million. Il dit, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. C'est-à-dire que si tu essaies de compter les grâces d'Allah, tu ne pourras même pas les dénombrer tellement elles sont grandes et nombreuses. Donc tu ne peux même pas les compter, les grâces d'Allah. Donc comment quelqu'un pourrait penser ou dire que Allah a deux grâces, hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a deux mains, eux ils disent il a deux grâces. Donc ça rentre dans, hein, le fait de déformer le sens de la parole d'Allah. Hein? Allah il n'a pas une grâce ou deux, ni dans le genre, ni dans la sorte de grâce, mais il en a des millions et des milliards et plus encore. Donc ça c'est de déformer le sens des attributs d'Allah, et c'est une bid'a de faire ça. Hein? Et ça peut même amener jusqu'au coffre. Parce que si tu commences à faire ça, tu risques de nier les attributs d'Allah. Et si tu nies les attributs d'Allah, tu nies ce que Allah a dit à propos de lui-même et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah. Et bien dans ce cas-là, tu as renié la parole d'Allah. Hein? Et c'est du coffre. Et c'est en contradiction également avec tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, de même que ses compagnons et de même que les imams des salafs bien guidés après lui. Et le cheikh il dit ensuite, amma al-bid'atu fi al-aqwal, en ce qui concerne les innovations dans les paroles, مثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم ترد به السنة أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة وليست من الأدعية المباحة. Donc le cheikh il dit, de même que les innovations, par exemple dans les paroles, ceux qui inventent des formes de yani de zikr dans les tasbih ou les tahlil ou les takbir, mais d'une manière qui n'est pas en accord avec la sunna. C'est-à-dire, il n'y a aucun hadith authentique dans la sunna qui mentionne de faire le takbir ou de faire le tasbih ou de faire le zikr de cette façon-là. Comme on retrouve souvent ça chez les soufis et dans les différentes tours soufiyas. Ils font, qu'est-ce qu'ils prétendent être du zikr, et ça n'a rien à voir avec le zikr. Hein? Ou bien ils innovent des invocations. Ils inventent des invocations qui ne sont pas mentionnées dans la sunna et qui ne sont pas des invocations permises. Et parfois dans ces invocations-là qu'ils inventent, il y a du shirk. Hein? Ils invoquent des morts, ils invoquent des saints, ils invoquent même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'appellent au secours et demandent de l'aide. au prophète sallallahu alayhi wa sallam au lieu de demander à Allah seul. Ensuite il dit وَأَمَّا الْبِدْعَ فِي الْأَفْعَالِ فَمَثَلًا الَّذِينَ يُصَفِّقُونَ عِنْدَ الذِّكْرِ أَوْ يَهُزُّونَ رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ التِّلَاوَةِ تَعَبُّدًا أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة قبره الشريف وكذلك الذي يتمسح أو يتمسحون الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك. Donc le cheikh il dit parmi les exemples d'innovation dans les actions, il y a l'exemple de ceux qui frappent des mains pendant le zikr, ou bien des gens qui bougent leur tête ou secouent leur tête pendant la récitation et qui le font de façon comme si c'était une adoration de bouger la tête, hein, comme les juifs. Il dit, parce qu'il y a des soufis qui font ça, quand ils récitent le Coran, ils se dandinent, ils bougent à gauche, à droite ou en avant, en arrière, et ils bougent la tête. En tout cas, tout ça, ça rentre dans les innovations, dans les actions. De même que, également, ceux qui se frottent à la Kaaba, mais qui le font pour autre que la pierre noire et le coin al-Yamani, le coin qui pointe vers le Yémen. Donc, ces deux coins-là, on a le droit de les frotter, le coin de al-Hajar al-Aswad et le coin de al-Rukn al-Yamani. Mais les autres coins, on n'a pas le droit de les toucher. Et le reste de la Kaaba, on n'a pas le droit de se frotter dessus. Il y en a qui le font pour, soi-disant, ils cherchent la baraka. Donc ils se frottent dessus. Ça, c'est pas permis. C'est une bid'a. De même que ceux qui se frottent à la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans al-Masjid al-Nabawi, la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il a été enterré. Donc ça aussi, c'est une bid'a de se frotter à ça. Ceux qui se frottent également au mimbar, ils prétendent que ça c'est le mimbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, hein, al-Masjid al-Nabawi. Et ils se frottent à ce mimbar, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le mimbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été remplacé combien de fois depuis, hein? Et de même que ceux qui se frottent au mur du cimetière de Al-Baqi'a, la même chose. Il y a beaucoup d'autres exemples de ça. Donc le cheikh il dit ensuite wal bid'a kathira al aqadiyya wal qawliyya wal fi'liyya kulluha min at taqaddum bayna yaday Allah wa rasulihi wa kulluha ma'siyatun lillah wa rasulihi fa inna Allah yaqul la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul إياكم محدثات الأمور. Oui, non. Le cheikh il dit donc les innovations sont nombreuses dans les croyances, dans les paroles et dans les actions, et elles rentrent toutes dans le sens de prendre les devants et de devancer Allah et son messager, et elles sont toutes des désobéissances à Allah et à son messager, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne devancez pas Allah et son messager. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit prenez garde aux choses inventées dans la religion. Le cheikh il dit wa min al-bid'a ma yusna'u fi Rajab ka salat ar-ragha'ib allati tusalla laylata awwal jum'atin min shahri Rajab wa hiya 1000 rak'atin yata'abbaduna lillahi bidhalik wa hadha بدعة لا تزيدهم من الله إلا بعدا لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ظالم لا يقبل الله منه تعبده لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به، يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله وليس من شريعة الله، مثل أن يقول هذا حرام أو هذا حلال أو هذا واجب أو هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وعلى هذا وعلى من قال قولا وتبين له أنه خطأ فيه أن يرجع إلى الحق حتى لو شاع القول بين الناس وانتشر وعمل به من عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت صادرة عن اجتهاد، فالواجب الرجوع إلى الحق. فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, et parmi les innovations qui sont faites dans le mois de Rajab, il y a qu'est-ce que les soufis font en général qui s'appelle Salatul Raghaib. Et dans la première nuit de Jumu'ah du mois de Rajab, ils font mille raka'ah. Subhanallah. Et ils pensent qu'ils adorent Allah en faisant ça. Et le cheikh il dit ça c'est une bid'ah et ça ne les augmente d'Allah qu'en éloignement. Ça ne les augmente d'Allah qu'en éloignement. Parce que on n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par autre chose que ce qu'il a légiféré. Et si quelqu'un veut se rapprocher d'Allah par quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré, alors c'est un innovateur et un injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas accepter de sa part son adoration. Car il a été mentionné dans Al-Bukhari et Muslim, et d'autres également, selon Aisha radiallahu anha, qu'elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui pratique une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Et donc, ça fait partie de prendre les devants et de devancer Allah et son messager. Également, parmi les exemples de ce qui fait partie de devancer Allah et son messager, quelqu'un qui dit une parole par laquelle il juge entre les serviteurs d'Allah et entre les hommes, et que cette parole ne fait pas partie de la charia d'Allah. Comme par exemple quelqu'un qui dit ceci est halal, ceci est haram, ceci est obligatoire, ceci est recommandé, sans aucune preuve. Eh bien ça aussi ça rentre dans le fait de prendre les devants et de devancer Allah et son messager. Et donc celui qui dit une parole et qui par la suite réalise que c'est une erreur, eh bien il doit revenir vers la vérité. Il doit revenir vers la vérité, même si cette parole a été diffusée publiquement et propagée partout, et que les gens ont commencé à agir selon cette parole parmi les gens ont commencé à l'appliquer. L'obligation pour lui, c'est de le corriger et de revenir publiquement, et d'annoncer publiquement qu'il revient sur sa position. De la même manière que celui qui a fait une erreur dans laquelle il est excusé parce qu'il l'a fait par ijtihad, eh bien il doit revenir et faire connaître et faire savoir son erreur. Donc la même chose pour celui qui a fait une erreur dans la religion, il doit revenir à la vérité plutôt que de persister dans l'erreur et dans la contradiction de la vérité, il ne doit pas donc continuer dans le faux. Il doit annoncer et expliquer son erreur et revenir publiquement. Sinon, s'il persiste à continuer dans sa contradiction de la vérité, alors il n'y a pas de doute qu'il a pris les devants. Hein? Il a devancé Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc le cheikh il continue la tafsir. Nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc ça c'est pour le premier cours. On a même pas terminé le premier verset de Surat Al-Hujurat. Mais c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Donc quand les gens ils lisent le verset Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, les gens ils savent pas tout ce que ça peut impliquer comme explication et comme signification. Et ils comprennent pas le danger qui est mentionné dans ce verset là si quelqu'un contredit Allah et l'ordre d'Allah et son messager et il devance Allah et son messager. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah et on continuera demain pour le tafsir de Surat Al-Hujurat. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.